Consuelo par George Sand. Extrait du chapitre 1er. À héroïne insigne, insipide singulier. Plongé au cœur d'une école de filles qui n'est pas sans évoquer le couvent des Augustines où Sand passa 2 ans, le lecteur découvre l'héroïne du roman. La jeune Consuelo, en butte aux bassesses et au mépris de ses camarades qui la jalousent, est hyperboliquement marquée par sa disgrâce physique et son talent sans commune mesure. Sous l'égide de cette caractérisation paradoxale, se dessine déjà sa personnalité et son destin singulier. Consuelo, lui dit le maestro en la prenant par la main sans s'expliquer davantage, viens là, ma bonne fille, chante-moi le Salve Regina de Pergolèse, que tu apprends depuis 15 jours, et que la Clorinda étudie depuis 1 an. Consuelo, sans rien répondre, sans montrer ni crainte, ni orgueil, ni embarras, suivit le maître de chant jusqu'à l'orgue, où il se rassit, et d'un air de triomphe, donna le ton à la jeune élève. Alors, Consuelo, avec simplicité et avec aisance, éleva purement, sous les profondes voûtes de la cathédrale, les accents de la plus belle voix qui les eût jamais fait retentir. Elle chanta le Salve Regina sans faire une seule faute de mémoire, sans hasarder un son qui ne fût complètement juste, plein, soutenu ou brisé à propos. Et suivant avec une exactitude toute passive les instructions que le savant maître lui avait données, rendant avec ses facultés puissantes les intentions intelligentes et droites du bonhomme, elle fit, avec l'inexpérience et l'insouciance d'un enfant, ce que la science, l'habitude et l'enthousiasme n'eussent pas fait faire à un chanteur consommé. Elle chanta avec perfection. « C'est bien, ma fille, » lui dit le vieux maître, toujours sobre de compliments. « Tu as étudié avec attention et tu as chanté avec conscience. » La prochaine fois, tu me répéteras la cantate Scarlatti que je t'ai enseignée. « Si, signor professeur, » répondit Consuelo. « À présent, je puis m'en aller. »« Oui, mon enfant. »« Mademoiselle, la leçon est finie. » Consuelo mit dans un petit panier ses cahiers, ses crayons et son petit éventail de papier noir, inséparable jouet de l'espagnol aussi bien que de la vénitienne, et dont elle ne se servait presque jamais, bien qu'elle l'eût toujours auprès d'elle. Puis elle disparut derrière les tuyaux de l'orgue, descendit avec la légèreté d'une souris l'escalier mystérieux qui ramène à l'église, s'agenouilla un instant en traversant la nef du milieu, et au moment de sortir, trouva auprès du bénitier un beau jeune seigneur qui lui tendit le goupillon en souriant. Elle en prit, et tout en le regardant droit au visage avec l'aplomb d'une petite fille qui ne se croit point et ne se sent point encore femme, elle mêla son signe de croix et son remerciement d'une si plaisante façon que le jeune seigneur se prit à rire tout à fait. Consuelo se mit à rire aussi, et tout à coup, comme si elle se fût rappelée qu'on l'attendait, elle prit sa course et franchit le seuil de l'église, les degrés et le portique en un clin d'œil. Cependant, le professeur remettait pour la seconde fois ses lunettes dans la vaste poche de son gilet, et s'adressant aux écolières silencieuses, « Honte à vous, mes belles demoiselles, leur disait-il, cette petite fille, la plus jeune d'entre vous, la plus nouvelle dans ma classe, est seule capable de chanter proprement un solo. Et dans les chœurs, quelques sottises que vous fassiez autour d'elle, je la retrouve toujours aussi ferme et aussi juste qu'une note de clavecin. C'est qu'elle a du zèle, de la patience, et ce que vous n'avez pas, et que vous n'aurez jamais, tout tant que vous êtes, de la conscience. » « Ah, voilà son grand mot lâché !» s'écria Costanza dès qu'il fut sorti. Il ne l'avait dit que 39 fois durant la leçon. Et il ferait une maladie s'il n'arrivait à la 40e. Belle merveille que cette Consuelo fasse des progrès, dit la Zulietta. Elle est si pauvre, elle ne songe qu'à se dépêcher d'apprendre quelque chose pour aller gagner son pain. On m'a dit que sa mère était une bohémienne, ajouta la Micheline, et que la petite a chanté dans les rues et sur les chemins avant de venir ici. On ne saurait nier qu'elle a une belle voix, mais elle n'a pas l'ombre d'intelligence, cette pauvre enfant, elle apprend par cœur. Elle suit servilement les indications du professeur et puis ses bons poumons font le reste. Quels sont les meilleurs poumons et la plus grande intelligence par-dessus le marché ? Dit la belle Clorinda. Je ne voudrais pas lui disputer ses avantages s'il me fallait échanger ma figure contre la sienne. Vous n'y perdriez déjà pas tant, reprit Costanza, qui ne mettait pas beaucoup d'entraînement à reconnaître la beauté de Clorinda. Elle n'est pas belle non plus, dit une autre. Elle est jaune comme un cierge pascal, et ses grands yeux ne disent rien du tout, et puis toujours si mal habillée. Décidément, c'est une laideron. Pauvre fille, c'est bien malheureux pour elle tout cela, point d'argent et point de beauté. C'est ainsi qu'elles terminèrent le panégyrique de Consuelo, et qu'elles se consolèrent en la plaignant, de l'avoir admirée tandis qu'elle chantait. Extrait du chapitre 31e, la musique, langage des âmes sœurs. Après avoir quitté Venise, Consuelo rejoint incognito le château des géants en Bohême, où elle doit servir de maîtresse de musique à la baronne Amélie. Celle-ci, promise à Adalbert de Rudolstadt, vient d'achever de raconter l'histoire du jeune homme et son comportement étrange. Au moment où elle doit prendre sa leçon, un auditeur inattendu fait son apparition et reconnaît en Consuelo celle qu'il attendait depuis toujours. C'était l'heure de la leçon de musique d'Amélie. Il désirait l'apprendre afin, disait-elle tout bas à Consuelo, de chasser cette sinistre figure qui lui ôtait toute sa gaieté et répandait dans l'air une odeur sépulcrale. « Je crois, lui répondit Consuelo, que nous ferions mieux de monter dans votre chambre. Votre épinette suffira bien pour accompagner. S'il est vrai que le comte Albert n'aime pas la musique, pourquoi augmenter ses souffrances et par suite celles de ses parents ?» Amélie se rendit à la dernière considération et elles montèrent ensemble à leur appartement, dont elles laissèrent la porte ouverte parce qu'elles y trouvèrent un peu de fumée. Amélie voulut faire à sa tête, comme à l'ordinaire, en chantant des cavatines à grand effet. Mais Consuelo, qui commençait à se montrer sévère, lui fit essayer des motifs fort simples et fort sérieux extraits des chants religieux de Palestrina. La jeune baronne bâilla, s'impatienta et déclara cette musique barbare et soporifique. « C'est que vous ne la comprenez pas, » dit Consuelo. « Laissez-moi vous en faire entendre quelques phrases pour vous montrer qu'elle est admirablement écrite pour la voix, outre qu'elle est sublime de pensée et d'intention. » Elle s'assit à l'épinette et commença à se faire entendre. C'était la première fois qu'elle éveillait autour d'elle les échos du vieux château, et la sonorité de ses hautes et froides murailles lui causa un plaisir auquel elle s'abandonna. Sa voix, muette depuis longtemps, depuis le dernier soir qu'elle avait chanté à Saint-Samuel, et qu'elle s'y était évanouie, brisée de fatigue et de douleur, au lieu de souffrir de tant de souffrances et d'agitation, était plus belle, plus prodigieuse, plus pénétrante que jamais. Amélie en fut à la fois ravie et consternée. Elle comprenait enfin qu'elle ne savait rien, et peut-être qu'elle ne pourrait jamais rien apprendre, lorsque la figure pâle et pensive d'Albert se montra tout à coup en face des deux jeunes filles au milieu de la chambre et resta immobile et singulièrement attendrie jusqu'à la fin du morceau. C'est alors seulement que Consuelo l'aperçut et en fut un peu effrayé. Mais Albert, pliant les deux genoux et levant vers elle ses grands yeux noirs ruisselants de larmes, s'écria en espagnol, sans le moindre accent germanique, « Oh, Consuelo, Consuelo, te voilà donc enfin trouvé !»« Consuelo ?» s'écria la jeune fille interdite, en s'exprimant dans la même langue. « Pourquoi, Seigneur, m'appelez-vous ainsi ?»« Je t'appelle Consolation. » reprit Albert, toujours en espagnol, parce qu'une consolation était promise à ma vie désolée, et parce que tu es la consolation que Dieu accorde enfin à mes jours solitaires et funestes. Je ne croyais pas, dit Amélie avec une fureur concentrée, que la musique peut faire un effet si prodigieux sur mon cher cousin. La voix de Nina est faite pour accomplir des miracles, j'en conviens. Mais je ferai remarquer à tous deux qu'il serait plus poli pour moi et plus convenable en général de s'exprimer dans une langue que je puisse comprendre. » Albert ne parut pas avoir entendu un mot de ce que disait sa fiancée. Il restait à genoux, regardant Consuelo avec une surprise et un ravissement indicible, lui répétant toujours d'une voix attendrie « Consuelo, Consuelo !»« Mais comment donc vous appelle-t-il » dit Amélie avec un peu d'emportement à sa compagne. « Il me demande un air espagnol que je ne connais pas, » répondit Consuelo fort troublé. « Mais je crois que nous ferons bien d'en rester là, car la musique paraît l'émouvoir beaucoup aujourd'hui. » Et elle se leva pour sortir. « Consuelo, » répéta Albert en espagnol, « si tu te retires de moi, c'en est fait de ma vie, et je ne veux plus revenir sur la terre. » En parlant ainsi, il tomba évanoui à ses pieds, et les deux jeunes filles, effrayées, appelèrent les valets pour l'emporter et le secourir. Extrait du chapitre 65e. La naissance d'une amitié. Après avoir quitté le château des géants, Consuelo gagne la route de Vienne où elle rencontre le sémillant Joseph Haydn, alias Beppo, avec qui elle décide de cheminer. Elle va former avec lui un couple amical candide et léger, uni par une complicité, une estime et une confiance véritables. Le premier épisode de leurs aventures picaresques est un motif théâtral cher à l'imaginaire sandien. Il s'agit de travestir Consuelo en garçon pour la préserver des potentiels dangers sur sa route.

qui ne l'avait attribué qu'à l'enthousiasme et à la joie d'une si heureuse rencontre. Mais, dans le quart d'heure qu'il avait passé loin d'elle dans le bois, pendant cette mystérieuse toilette, il avait éprouvé de violentes palpitations. La première émotion était revenue, et il s'approchait, résolu à faire de grands efforts pour cacher encore, sous un air d'insouciance et d'enjouement, le trouble mortel qui s'élevait dans son âme. Le changement de costume, si bien réussi qu'il semblait être un véritable changement de sexe, changea subitement aussi la disposition d'esprit du jeune homme. Il ne sentit plus en apparence que l'élan fraternel d'une vive amitié improvisée entre lui et son agréable compagnon de voyage. La même ardeur de courir et de voir du pays, la même sécurité quant au danger de la route, la même gaieté sympathique qui animait Consuelo dans cet instant, s'emparèrent de lui. Ils se mirent en marche à travers bois et prairies, aussi légers que deux oiseaux de passage. Extrait du chapitre 104e des Noces funèbres. Ayant appris que le prince Albert est tombé gravement malade, Consuelo se rend à ses côtés. Tout l'entourage du jeune homme est alors convaincu qu'une union avec celle qu'il aime pourrait le sauver. Il ne restait plus qu'à convaincre Consuelo. Albert seul y songea. Et l'attirant près de lui, il réussit, sans le secours de personne, à enlacer de ses bras desséchés, devenus légers comme des roseaux, le cou de sa bien-aimée. « Consuelo, lui dit-il, je lis dans ton âme à cette heure. Tu voudrais donner ta vie pour amener la mienne, cela n'est plus possible, mais tu peux, par un simple acte de ta volonté, sauver ma vie éternelle. Je vais te quitter pour un peu de temps, et puis je reviendrai sur la terre par la manifestation d'une nouvelle naissance. » J'y reviendrai, maudit et désespéré, si tu m'abandonnes maintenant, à ma dernière heure. Tu sais, les crimes de Jean Ziska ne sont point assez expiés, et toi seul, toi, ma sœur Banda, peux t'accomplir l'acte de ma purification à cette phase de ma vie. Nous sommes frères. Pour devenir amants, il faut que la mort passe encore une fois entre nous. Mais nous devons être époux par le serment. Pour que je renaisse calme, fort et délivré, comme les autres hommes, de la mémoire de mes existences passées, qui fait mon supplice et mon châtiment depuis tant de siècles, consent à prononcer ce serment. Il ne te liera pas à moi en cette vie, que je vais quitter dans une heure, mais il nous réunira dans l'éternité. Ce sera un sceau qui nous aidera à nous reconnaître, quand les ombres de la mort auront effacé la clarté de nos souvenirs. Consent, c'est une cérémonie catholique qui va s'accomplir, et que j'accepte, puisque c'est la seule qui puisse légitimer dans l'esprit des hommes, la possession que nous prenons l'un de l'autre. Il me faut emporter cette sanction dans la tombe. Le mariage sans l'assentiment de la famille n'est point un mariage complet à mes yeux. La forme du serment m'importe peu d'ailleurs. La nôtre sera indissoluble dans nos cœurs, comme il est sacré dans nos intentions. Consent. Je consens, s'écria Consuelo, en pressant de ses lèvres le front morne et froid de son époux. Cette parole fut entendue de tous. « Eh bien, dit Superville, hâtons-nous » Et il poussa résolument le chanoine, qui appela les domestiques et se pressa de tout pour préparer la cérémonie. Le comte, un peu ranimé, vint s'asseoir à côté de son fils et de Consuelo. La bonne chanoinesse vint remercier cette dernière de sa condescendance, au point de se mettre à genoux devant elle et de lui baiser les mains. Le baron Frédéric pleurait silencieusement, sans paraître comprendre ce qui se passait. En un clin d'œil, un autel fut dressé devant la cheminée du grand salon. Les domestiques furent congédiés. Ils crurent qu'il s'agissait seulement d'extrême-onction et que l'état du malade exigeait qu'il y eût peu de bruit et de miasme dans l'appartement. Le porpora servit de témoin avec Superville. Albert retrouva tout à coup assez de force pour prononcer le huit décisif et toutes les formules de l'engagement d'une voix claire et sonore. La famille conçut une vive espérance de guérison. À peine le chapelain eut-il récité sur la tête des nouveaux époux la dernière prière, qu'Albert se leva, s'élança dans les bras de son père, embrassa de même avec une précipitation et une force extraordinaire sa tante, son oncle et la porpora. Puis, il se rassit sur son fauteuil et pressa Consuelo contre sa poitrine en s'écriant « Je suis sauvé !» C'est le dernier effort de la vie. C'est une convulsion finale, dit au porpora Superville, qui avait encore consulté plusieurs fois les traits et l'artère du malade pendant la célébration du mariage. En effet, Les bras d'Albert s'entr'ouvrirent, se jetèrent en avant et retombèrent sur ses genoux. Le vieux cinabre, qui n'avait pas cessé de dormir à ses pieds durant toute sa maladie, releva la tête et fit entendre par trois fois un hurlement lamentable. Le regard d'Albert était fixé sur Consuelo. Sa bouche restait entr'ouverte comme pour lui parler. Une légère coloration avait animé ses joues. Puis, cette teinte particulière, cette ombre indéfinissable, indescriptible, qui passe lentement du front aux lèvres, s'étendit sur lui comme un voile blanc. Pendant une minute, sa face prit diverses expressions, toujours plus sérieuses de recueillement et de résignation, jusqu'à ce qu'elle se raffermît dans une expression définitive de calme auguste et de sévère placidité. Le silence de terreur qui planait sur la famille attentive et palpitante fut interrompu par la voix du médecin, qui prononça avec sa lugubre solennité ce mot sans appel : c'est la mort. Extrait de Consuelo par George Sand.